saxophone, hypocrite. Léopard, c'est l'amitié, hypocrite. Au volet trompette, hypocrite. Sélecteur, pas ni problème, hypocrite. Au volet trombone, hypocrite. Nous nous t'as dans même bateau, hypocrite. Où n'ayez ça ou t'es Selecta, pas ni problème. Hypocrite. Au volet tumba yo. Hypocrite. Perfecta et tu passé. Hypocrite. Au